Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radioactive pour un nouveau mag. Alors aujourd'hui, nous allons faire un bond dans l'histoire et revenir en août 1944 à Athée-sur-Cher, au moment de la libération. C'était il y a 80 ans et aujourd'hui, pour en parler, je reçois Didier Roc, qui est président de l'association HMVC, Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher. Bonjour Didier. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et on sait que vous avez fait un gros travail de préparation puisque ça fait à peu près un an et demi que vous travaillez sur ce projet d'anniversaire des 80 ans de cet événement qu'est la libération. Oui, tout à fait. Il faut savoir que quand on se penche un peu sur l'histoire, nos villages du bord de Cher sont marqués par la période de l'occupation puisqu'on était sur la ligne de démarcation et qu'on a effectué un travail constant de 1940 à 1944 de résistance qui n'était pas forcément active dans les mouvements, encore que nous avions des mouvements FTP dans la région d'Hyères et de la Croix, mais dans le passage de la ligne de démarcation. Avec des données relativement impressionnantes, notre héros à Athée-sur-Cher, l'abbé Lacour, reconnaît, quand il est arrêté par les Allemands, avoir fait passer 2400 à 2500 personnes. C'est énorme. Voilà, et c'est tout un village qui était concerné, puisque certains soirs, il abritait 30 à 40 candidats au passage dans les greniers de son presbytère. Il fallait déjouer les patrouilles allemandes qui circulaient tous les 3 heures le long de la ligne de démarcation. Donc voilà, il était vosgien d'origine, donc il parlait allemand. Voilà, ce qui fait qu'il invitait les soldats de la patrouille à venir boire un bon petit coup de vin blanc, et puis au troisième ou quatrième verre, il arrivait à obtenir les horaires des passages et il pouvait organiser avec les habitants d'Athée, qui pendant ce temps-là avaient nourri l'ensemble des candidats pour organiser les passages la nuit. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu cette histoire impressionnante quand même, de tout un village mobilisé pour le passage de la ligne de démarcation. Alors sont passés effectivement un certain nombre de résistants et de membres du réseau issus du SOE en Angleterre, mais aussi beaucoup de prisonniers de guerre qui se sont évadés, et parmi eux, venant d'Amboise, des tirailleurs sénégalais, des nord-africains, et puis un certain nombre de juifs aussi. On a le témoignage du passage d'un jeune juif qui a échappé aux rafles du Veldiv et qui nous raconte comment il a vécu son passage effectivement à travers la ligne à Athée-sur-Cher. Voilà, c'est toute cette histoire-là qui nous paraît intéressante de remettre en scène dans un travail de mémoire où on veut permettre de l'intergénérationnel, c'est-à-dire que des jeunes puissent interroger leurs grand-mères, leurs arrière-grand-mères sur ce qui s'est passé pendant cette période. Donc toutes les manifestations qu'on va proposer permettent d'articuler un petit peu cette connaissance mutuelle entre les jeunes et puis les anciens sur cette période cruciale. Et puis alors l'objectif aussi que vous cherchez à atteindre, c'est d'ouvrir une maison du souvenir de la ligne de démarcation. Voilà, alors à plus long terme, effectivement, on va dans un premier temps ouvrir déjà une bibliothèque historique qui va comprendre plus de 2500 ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale. À Athée-sur-Cher, accessible au public. Et puis à plus long terme, on voudrait effectivement ouvrir une maison de la ligne de démarcation, perpétuant un petit peu le souvenir de cette période et de ce qui s'est passé tout le long de la vallée du Cher, avec un sentier d'interprétation sur la ligne de démarcation, un circuit sur les bords du Cher. Il y a des randonnées qui se font d'ailleurs. Voilà, il y a déjà des randonnées qui se font sur le tracé de la ligne de démarcation. Et puis donc, il n'existe aucun musée en France sur la ligne de démarcation. Alors que depuis 1990, notre historien local, Éric Allary, décrit un petit peu tout le parcours de ces résistants qui ne sont pas reconnus dans des réseaux, mais qui sont les résistants de la première heure, les passeurs et les passeuses, bien sûr. Donc notre objectif, c'est un petit peu ça, dans ce département d'Indre-et-Loire où il n'existe aucun monument de la résistance et de la déportation, aucun musée, je veux dire, de la résistance et de la déportation, hormis la maison du souvenir de Maillet, bien sûr. Mais voilà, on a un manque un petit peu qu'on pourrait effectivement combler très, très utilement avec un travail sur la ligne de démarcation, avec nos historiens locaux qui sont branchés sur la question depuis de nombreuses années, qui ont recueilli de nombreux nombreux témoignages. Voilà, donc il y a sans doute matière à œuvrer dans le cadre du tourisme patrimonial. Tout à fait. Alors avec l'association que vous présidez, Didier Roc, Histoire et mémoire de la vallée du Cher, vous êtes rapproché du service culturel de la mairie d'Athée-sur-Cher. On salue Karine Patin d'ailleurs, avec qui on a eu quelques échanges pour la préparation de cette émission, bien entendu, pour proposer un programme très riche pour célébrer justement les 80 ans de la libération d'Athée-sur-Cher. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet, déjà, comment il est né, ce projet ? L'occasion était effectivement la célébration des 80 ans de la libération. J'ai pour ma part un grand-père qui a été déporté. Je ne peux pas admettre qu'on oublie l'histoire de ce grand-père. Donc, pour moi, le travail de mémoire est impératif, et on est en plus dans une période où disparaissent les gens qui ont vécu cette période. Oui. Donc on a commencé par effectivement recueillir un certain nombre de témoignages vidéo sur le vécu de ces personnes durant l'occupation. Et puis très rapidement, avec la célébration des 80 ans, nous est paru nécessaire de mettre en lumière un peu tous ces parcours individuels qui sont impressionnants. Donc fort de ce constat, vous avez préparé un programme. Est-ce que vous pouvez nous en faire part, s'il vous plaît ? Voilà, alors un programme qui va démarrer le vendredi 13 septembre et qui va se terminer le dimanche 22 septembre. Donc une semaine complète de manifestations. Durant toute la semaine, on va proposer quatre expositions au sein de la salle des fêtes d'Athée-sur-Cher. Une sur la ligne de démarcation en Indre-et-Loire, réalisé par l'étude de la résistance en Indre-et-Loire, une exposition sur Athée-sur-Cher sous l'occupation réalisée par nos propres soins. On va sortir les archives municipales d'Athée pour confronter un petit peu l'histoire locale aux archives conservées. Mmh. Et puis, on a obtenu aussi des archives départementales la reproduction d'affiches de propagande qui datent de cette époque-là, qui sont relativement impressionnantes. Donc voilà, ça va se dérouler durant toute la semaine. Et puis après, il y a des manifestations plus ponctuelles. Le vendredi 13 septembre, on accueille le Théâtre de Lente, qui vient de terminer sa tournée départementale avec 37 représentations de sa pièce de théâtre Assunta du fil à la ligne, qui raconte très justement d'ailleurs l'histoire d'Athée-sur-Cher sous l'occupation. Donc une pièce de théâtre inspirée de l'histoire d'Athée. Voilà, je précise que parmi toutes les manifestations et rendez-vous que vous proposez, cette pièce sera avec une entrée payante. Tout le reste est entièrement accessible et gratuit. Tout à fait, tout à fait. Donc les expos, on peut venir les voir librement. Tout à fait, on vous accueillera durant toute la semaine. Voilà, on va commencer donc le samedi 14 septembre par rendre un hommage à notre héros local, l'abbé Lacour. Oui. On va inaugurer devant ce qui fut son domicile pendant 10 ans. Hein, il a été curé d'Athée de 1935 à 1944, avant d'être déporté à Buchenwald et de ne pas revenir. De ne pas en revenir. Voilà, on va rendre hommage à cette image iconique un petit peu de la ville d'Athée, auquel nous sommes très attachés. L'abbé Lacour, oui, c'est quelqu'un pour nous. Évidemment, voilà. Évidemment. Voilà, et puis donc on continuera par l'inauguration des expositions, bien sûr, la présentation de notre bibliothèque historique. Et puis ensuite, on va accueillir les écoles primaires et collèges du canton qui le souhaiteront du lundi au vendredi. Et puis des manifestations plus ponctuelles. Hein. Le dimanche 15 septembre, on propose 4 ateliers d'expression artistique sur le thème de la vie quotidienne sous l'occupation, avec restitution des travaux, donc des ateliers intergénérationnels qui permettront à des jeunes de côtoyer des anciens et puis avec ces échanges de pouvoir faire une production artistique dans le sens de l'éducation populaire, n'est-ce pas ? Voilà. Et puis après, le jeudi 19 septembre, on proposera une conférence sur Athée-sur-Cher, un village de passeurs sous l'occupation. Et ce même jeudi 19 septembre à 18h, un atelier sur comment rechercher son ancêtre, que ce soit en 1870-71, 14-18 ou 39-45. Voilà, comment, à partir d'une généalogie, essayer de retrouver les parcours militaires de ses ancêtres. Vous me faisiez part d'une anecdote, je me permets, hors antenne tout à l'heure. Vous avez rencontré la fille d'un ancien passeur qui ignorait complètement les activités de son papa. Voilà, c'est ahurissant, on découvre ça aujourd'hui, je veux dire, Il y a un axe de recherche actuel qui se penche sur le parcours des aviateurs alliés qui ont été descendus sur le territoire français ou belge d'ailleurs, et qui faisaient un circuit à travers toute la France pour regagner Gibraltar et retrouver l'Angleterre, etc. Mmh. Chacun de ces aviateurs abattus était tenu, quand il rentrait en Angleterre, de faire un compte-rendu circonstancié de son parcours et de qui l'avait hébergé et convoyé. Et quand on regarde ces dossiers-là, c'est une étude relativement récente, mm-hmm. Et on aura d'ailleurs un des intervenants qui est spécialisé dans cette étude-là, on s'aperçoit que c'est relativement impressionnant. Un aviateur abattu en Belgique a besoin de 70 personnes pour l'héberger, le convoyer en toute sécurité depuis le nord de la France jusqu'à Gibraltar. Vous imaginez 70 personnes anonymes, etc. Alors j'imagine à la fois la solidarité énorme, oui. Puis j'imagine cette angoisse aussi permanente, constante, de se faire prendre, bien sûr. Voilà, alors, et c'est d'ailleurs cette personne qui étudie en ce moment les French Helpers, là, les dossiers qui sont conservés aux États-Unis et en Angleterre, mm-hmm. qui nous a signalé qu'il avait découvert une centaine d'aviateurs qui étaient passés par le village d'Athé en décrivant le nom des personnes qui les avaient hébergés, convoyés, etc. Et parmi eux, on retrouvait, alors je reviens à votre anecdote là, on retrouvait un Marcel Dagné, qui était cultivateur à la Mistinière, hein, il est bien connu, et on me dit, il y a un an de ça environ, ben, vous savez, sa fille est encore vivante. Donc je vais voir sa fille et je lui dis, vous savez que votre père est un héros, il est reconnu dans des dossiers aux États-Unis, etc., comme passeur, etc. Et elle me regarde avec des grands yeux ronds et elle me dit, c'est pas possible, mon père, il a jamais été passeur. Voilà comment une histoire, vous voyez, qui est quand même une histoire héroïque quelque part, hein, passée sous silence. C'est ça, dans c'est, la c'est famille, dans etc. l'humidité, et puis aussi la crainte sans doute aussi. Oui, tout à fait. Superbes anecdotes. Voilà. Mmh. Donc on continue sur le programme. Le vendredi 20 septembre, on va accueillir une troupe de théâtre qui va nous faire une lecture théâtralisée des lettres de la famille Goupil, hein, qui s'appelle « Mes enfants chéris, je voulais vous dire », par la compagnie des Deux Ailes. Donc là aussi, c'est un instant assez émouvant, hein, d'échange. Vous savez que la famille Goupil de La Haye des Cartes a été profondément marquée par l'histoire du passage et 11 membres de la famille ont été déportés. Mmh. Mais ils sont tous revenus. Donc voilà, il y aura un moment d'échange. Et puis le samedi 21 septembre, on va proposer effectivement de 10h à 17h30 une journée de conférence sur la ligne de démarcation dans le canton, en s'ancrant sur l'histoire locale. Avec les historiens locaux, bien sûr, Éric Allary, qu'on ne présente plus, hein, qui, dès 1990, hein, avait écrit la ligne de démarcation sur le canton de Bléré, etc. Éric Labelle, qui nous parlera des prisonniers de guerre. Sylvie Pouliquin, qui s'est penchée depuis quelques années là, sur le sort des femmes et qui a écrit le parcours, hein, de 80 femmes résistantes en Indre-et-Loire. Et puis Jean-Marie Dosier qui nous parlera des French Helpers d'Athée, hein, comment lui, dans des dossiers issus des États-Unis, hein, arrive à retrouver des traces d'Athée. Et puis le soir, on aura la chance d'avoir, en présence du réalisateur, la présentation du documentaire « La ligne de démarcation, une France coupée en deux ». Un formidable documentaire, hein, qui avait recueilli, quand il était passé, je crois, plus de 5 millions de téléspectateurs. Mmh. Voilà. Et en présence du réalisateur Vincent de Cointet. Voilà. Et puis on terminera le dimanche 22 septembre par une exposition de véhicules civils et militaires. Et puis deux manifestations l'après-midi, à 15h une randonnée comptée sur la ligne de démarcation à Athée, et on terminera à 16h par un bal de la Libération où les contributeurs et exposants de véhicules viendront en costume d'époque. Donc voilà, on va animer un bal de la Libération tel qu'il était à l'époque. Un programme riche, un programme qui a dû demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation, on l'imagine. Bravo en tous les cas. Un bel hommage qui va être fait pour ces 80 ans de la Libération à Athée-sur-Cher. Alors, je ne sais pas si vous l'avez précisé, mais le samedi 21 septembre, parmi les conférences, il y aura également la vôtre. Oui, tout à fait. Je vais parler un peu de l'histoire. Les interventions des quatre historiens viendront illustrer un peu l'histoire d'Athée. voyez, je vais d'avoir une... Le fil rouge, ça va être l'histoire datée sous l'occupation. D'accord. Et avec des éclairages particuliers hein, sur certains points cruciaux. Par exemple, celui des prisonniers de guerre. Vous imaginez qu'à Athée-sur-Cher, on avait 181 combattants en 39-45. 71 sont restés prisonniers pendant 4 ans, de 1940 à 1945. 71 sur 180. C'est voilà, donc l'histoire du village est marquée aussi par le sort de ces prisonniers de guerre. Bien sûr. On parlait tout à l'heure du camp de prisonniers d'Amboise et vous me racontiez un petit peu le périple que ça demandait aux gens, alors j'allais dire déserteurs, c'est pas... Les évadés. Vous pouvez nous raconter cette anecdote aussi? Voilà, alors ça c'est relativement impressionnant puisque ça se met en place dès le mois de juin et juillet 1940. Les Allemands sont surpris par la débâcle de l'armée française et à Amboise, ils installent à la patte d'oie un camp de prisonniers. Et ils sont débordés par le nombre. 6000 prisonniers sont installés dans le camp de la patte d'oie d'Amboise, le front de Stalag 181. Et alors, voilà, c'est le temps de s'organiser, etc. On imagine que c'est pas simple et qu'un certain nombre de prisonniers ont pu s'évader dans les premiers temps. 1700, hein, on a à peu près le chiffre. Et alors, leur circuit était relativement clair, hein, c'était simple. On passait voir les sœurs de Sainte-Clotilde à Amboise qui vous habillaient en civil parce que vous étiez en défroque militaire complètement dépenaillée, etc., des chemises en lambeaux et sans galoches quasiment. Hein. Voilà, on imagine le sort des prisonniers. Et parmi ces prisonniers, il y avait deux régiments particulièrement concernés, le 26e régiment de tirailleurs sénégalais, hein, avec des Nord-Africains et puis des Africains hein, d'Afrique noire profonde. Ah oui, donc hein. Particulièrement identifiables. Voilà, exactement. Donc voilà, on passait par les sœurs de Sainte-Clotilde pour se faire habiller un petit peu en civil. Les sœurs de Sainte-Clotilde vous indiquaient le passage par la forêt d'Amboise pour arriver à Saint-Martin-le-Beau au Café de l'Union. Voilà, au Café de l'Union, vous étiez reçu par la célèbre Raymonde Sergent. Alors, on s'adressait à elle avec un mot de passe. C'était « Bonjour ma cousine ». Quand on disait « Bonjour ma cousine », elle savait, elle, que c'était un candidat au passage et qu'elle allait prendre le temps de l'organiser. Donc elle l'accueillait, elle l'hébergeait. C'est passionnant, vraiment. Voilà. Le deuxième mot codé, c'était « Ah, le temps est bouché aujourd'hui ». Ça voulait dire que les passeurs n'étaient pas disponibles ou que les patrouilles étaient trop fréquentes et qu'on ne prenait pas le risque de passer la ligne aujourd'hui. Voilà, le temps est bouché. Et puis après, donc, le Café de l'Union à Raymonde Sergent, on traversait le Cher au pont de Chandon, dont le pont avait été détruit d'ailleurs, hein, avec le marinier Maxime Pelé. Et puis, on était accueillis de l'autre côté par Victor Bénard, qui vous emmenait au presbytère d'Athée, hein, où là, je vous ai dit, 30 à 40 personnes des fois. Et puis, certains même des fois cachés dans le clocher. Dans le clocher, voilà. Voilà, donc vous voyez que toute cette histoire-là est riche d'enseignements sur l'engagement. Les gens qu'on interroge encore aujourd'hui, les anciens passeurs, nous disent on n'était pas des résistants, on voulait rendre service. Vous voyez la notion de rendre service en prenant tous les risques. Hein, parce qu'il y a eu un certain nombre d'arrestations, un nombre impressionnant hein, d'arrestations autour de la Oui, on imagine que tout ne s'est pas déroulé comme sur des roulettes à chaque fois, évidemment. Non, tout à fait. Donc, voilà. Et, par exemple, hein, je me suis penché sur le sort des déportés d'Indre-et-Loire. Quand on regarde au niveau du département, on a 4 déportés pour 1000 habitants. Si on fait le même décompte sur nos villages du bord de Cher, de la ligne de démarcation, on arrive à 8 déportés pour 1000 habitants, le double. Oui, c'est dire, voilà. C'est dire donc, l'imprégnation. Hein. Voilà. Sur nos 15 villages, là, j'ai recensé une centaine d'internés et déportés. Alors, pas tous liés à la ligne de démarcation. Hein. Il y avait aussi l'appartenance au réseau. Il y avait aussi une présence communiste dans nos campagnes relativement impressionnante. Donc, la chasse aux communistes faisait partie des motifs hein, d'arrestation, etc. Donc, voilà, il y a toute cette histoire à maintenir en mémoire. Pour moi, le fin mot, c'est le message de ces déportés, plus jamais ça, plus jamais ça, on ne veut plus jamais vivre ça. Et voilà, et donc il faut qu'on tienne compte de cette histoire-là pour que ça, la barbarie du fascisme, de l'autoritarisme, du nationalisme, etc., ne revoie jamais le jour. Écoutez, j'aurais pas mieux dit. Vraiment, c'est sur ces belles paroles que je vous propose qu'on se quitte aujourd'hui, Didier. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence, vos récits qui sont vraiment passionnants. Vous écouterez pendant des heures. En tous les cas, on rappelle que les 80 ans de la libération d'Athée-sur-Cher sont célébrés à partir de ce 14 septembre et jusqu'au 22 septembre avec plein de rendez-vous que vous proposez. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos d'ailleurs, Didier ? Dans les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux. En tapant HMVC37. Très bien. HMVC pour Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher, 37 pour l'Indre-et-Loire. Voilà, HMVC37, pour trouver toutes les informations. Super, merci beaucoup. On rappelle que tout est en libre accès, tout est absolument gratuit. Il y a vraiment juste à venir se promener et profiter de tout ce qui a été mis en place, en dehors du spectacle, évidemment, du Théâtre de Lente, Assunta au fil de la ligne, qui, lui, sera, bien entendu, payant. Eh bien, merci encore. C'est la fin de ce mag. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro et on vous laisse en compagnie des programmes de Radioactive.